Thank you. Dommage que je n'ai pas chanté parce que je t'aurais bien fait tendre en live. Podobida, padabobida, pebe tendre live. Dommage. Vraiment. Ouais, oui, aussi, ouais, oui. Alors, ça c'est. Thank you. Et ce thème est magnifique. Beautiful Love aussi qui est pas mal aussi dans le genre. Qui ressemble un peu à Stella by Starlight, mais qui est bien aussi. Ça, je vous conseille d'écouter tous ce morceau-là, c'est magnifique. Ah ouais. Comme Sentimental Mood, Star by Starlight, Beautiful Love, tout ça, c'est des morceaux superbes. Ah ouais, ça, c'est cool. Thank you. We'll be right back. Thank you.

I'm